13 mai, je ne suis pas seul pour en parler, car ces produits vont sortir après-demain, vendredi, le 30 août. Et en votre pause, nous allons vous proposer une très très belle surprise. Et ce soir, en exclusivité, on va vous présenter également une surprise. Et je ne suis pas seul, j'ai avec moi Jean-François Chenet. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui, j'ai un peu fait très bien en pleine forme. Très très content de passer cette soirée avec toi et de présenter ces archives qui sortent enfin. Donc, on va voir le Zénith du 2 février 1985, officiellement le sein de la fête de l'humanité, mais dans le 15 septembre 1991. Voilà, deux belles archives qu'on est ravis de proposer à des auditeurs ce soir. Voilà, et tout ça pendant 2 heures. Il fera écouter des larges extraits de ces deux concerts-là. Entier, cette fois-ci, parce qu'à la fois, on a fait écouter que des extraits. Oui, mais ça, c'était aussi pour lancer. J'espère que vous avez tous commandé votre album, vous avez acheté des petits vendredis. Je pense que ça, mais parce que là, c'est vraiment deux beaux premiers. Et puis, rappelez que peut-être dans les infos, tout est disponible. Moi, c'est dans la semaine 100. Moi, dans ça, sur les 500, qui était vraiment de base. Et puis, vous allez voir sur le site de Marchand. On va commencer tout de suite à écouter Johnny Hallyday au Zénith le 2 février 1985 avec évidemment l'introduction et la chanson d'ouverture qui est pour les cœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose avant de lancer la musique, est-ce qu'il y a quelque chose à dire justement sur ce spectacle, sur la première par exemple? Il y a tellement de choses à dire sur ce spectacle magnifique qu'il y a depuis très longtemps, il y a eu plein de choses qui se sont passées durant les trois mois même. Et la première, la première, elle a été annulée. Parce que ça ne te paraît pas très bien, elle a été annulée donc une grève des dans le transport, d'électricité dans le transport. Donc ça devait démarrer le 25 et ça devait démarrer le 25. Ah, c'est fonctionnaire. Donc c'était un spectacle qui débutait dans des conditions un peu particulières, mais voilà, on verra une longue soirée. Bien sûr, ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. On ne pouvait plus attendre, hein. On a plein d'anecdotes à vous raconter. Et on commence aussi bien aider la production et la chanson pour le cœur. Bon, écoutez tout à tous. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. 2 heures de 2017. c'est le fond de la personne. C'est ce qui est point clair, c'est le partage de spectacle, c'est un point clair de partie, finalement, c'est ça. C'est une structure absolument gigantesque qui mesurait 15 mètres de long et 5 mètres de large, qui a été fabriquée à Birmingham, qui est peut-être, avec le parc des Princes 93, la montrée la plus forte de ce que peut-être la plus grande sur scène. Le parc des Princes est un grand qui était mis en avant dans l'âge de Birmingham, mais sans transformer, sans transformer les paniques uniquement. Et c'était, moi je me souviens, les gens qui venaient le voir pour la première fois, les gens même depuis leur début, ils étaient absolument sidérés, stigmatisés par. C'est une bonne conception de ça qu'on a entre le ministre de l'Époux et de l'Écriture, M. Jacques Arnaud. C'était le premier d'une série de plans d'événements en France. Et c'était une structure qui situait Porte de Pantin, Porte de la Villette. Il était à la place donc du plan Paris, Porte de Pantin, le plateau à Réal, qui était sur le plateau de la Villette. Et ce qui est formidable dans ces limites, c'est qu'il a une visibilité parfaite de partout. Parce que Paris, aucun terrain, donc c'est une structure compacte, sans pilote, avec une très belle acoustique. Et c'est Renaud qui était le premier à inaugurer la ville de Paris à l'hôtel. C'est avec ce spectacle, absolument magnifique. Donc tu m'as dit, pas d'accord, c'est mieux pour ceux qui sont tous dans la place. On va écouter la prochaine titre qui sera jamais de vivre, particulièrement avec ce titre. Merci à la première fois qu'il est offert en live, en tout cas, on se contacte très bien. C'est vrai, donc là, il y a des gens aussi sur la personne qui a fait la mise en scène de ce spectacle, parce que c'est très important. Ça s'appelle Milton Pellico, il est une actrice qui travaille beaucoup à Broadway. C'est quelqu'un qui est dans les milieux de la couture, des décors, et qui s'est fait connaître en France, notamment par sa participation au film de Benex. Avec nos pédiaux, quand il a fait les lumières et les décors, il a été prévu pour ça. Il a donc donné sa patte, c'est une touche très particulière à ce spectacle, mettant en fait en scène un peu chaque chanson. Alors, c'est pas encore l'époque du clip, ça démarre, mais je veux mais tu as un peu l'impression d'avoir sur chaque chanson un demi-spectacle, une mise en scène très particulière. Et sur, j'ai oublié de dire, mais c'est une forme de galette, ouais, ça, c'est un galette, ouais, des gens qui dansent. C'était aussi très agréable pour moi. Voilà, on retrouve sur cette étape là. J'ai une nouvelle étape là. Thank you. C'est derrière, donc on se doit de mise au pied pour la couleur de noir, quoi que ce soit, on donne tout et il y a presque ça. Voilà, c'est vrai, il y a absolument tout ça, on peut mettre un peu de temps, il y a pas la route. aussi, avec une présentation super de marque. Il me fait un direct de bus sur le social. Il y a des tapisseries extraordinaires. Il a proposé que ses côtés n'ont été le recteur du journal. Et donc, il a annoncé la reprise, le retour. En janvier, il y a des nouveautés. Donc, il semble avoir récupéré le retour. Et ce, on attend donc à nouveau aux idées à partir du début janvier, après les fêtes de Noël. Voilà. Et après, on peut le rendre à thank you. ont fini, c'est par prendre le clé par les papiers et en nous en a découvert la version. Avec le compte, avec les anciens qui ont fait le bagarre, et les rideaux et guillotinés, ça rappelle un petit peu la fin du pavillon de Paris. Sauvez-moi du pavillon de Paris en 1919. Et donc, il revient à l'entrée des personnes. Je veux dire que les parlaient, ils sont allés en train de très très longtemps, ils avaient beaucoup de programmes, ils avaient beaucoup d'estimaux, etc. Et les estimaux, après, c'est très franc. sur le de février, mais ça a commencé à la deuxième étape de février, très intéressant. Et on sait que la situation est accueillante, et il n'a pas été sans reconditionnement aussi pour le journal. Il est quand même plus que donc en janvier, près de version du jour, qui est le 9 janvier, le matin, j'écoute le mot la radio, et qu'est-ce que j'entends? RTL qui annonce que la veille au soir, donc pour un nouveau document, il faut que je sois sur sa veille, c'est top. Et donc, il a dû arrêter son spectacle et a été hospitalisé. Et donc, effectivement, le spectacle est interrompu pendant quasiment un mois. Alors qu'on a annoncé un nouveau TR pour le mi-janvier et tout ça, et le médecin a terminé, il a dû se reposer. Et forcé, il a été à l'hôpital pendant quelques temps, et sur son lit d'hôpital, Marseille, animateur d'artiste bien connu, qui est sur sa place. C'était une interview qui m'a marqué, si vous avez l'occasion de l'écouter, écoutez-la, parce que Johnny se livre totalement et dit là, comme Max lui dit, peut-être un peu inconscient, un peu plus gros, jamais mieux. Il n'était pas question que je fasse des spectacles marrons et je fallait attaquer le pied au plancher, tu vois, c'était. Et donc c'est une super interview. Et puis voilà, Max retourne avec Nathalie Baye et on vient sur scène le 31 janvier. Donc, un spectacle évidemment sur la route, avec des musiques et des salles formidables. Et donc, c'est cette toute dernière qu'on écoute. Et on va enchaîner avec un petit encore de cette dernière qui est. Quel est ce que vous avez fait? Thank you. saluer la qualité de la musique qui accompagne les pianistes du spectacle. On va tous aussi des sons très bons, par les croquis et Anita. On peut parler de Julien, d'Éric Bois, qui a été l'arrangeur de tous les arrangeurs d'orchestre dans le reste de ce festival, de ce festival. Ça sortira le 30 août. J'ai tous les bons disques avec tout ça. Thank you. Thank you.

ce concept de persécutrice, pour dire, pour commencer, c'est très grand, c'est très thank you. sur les sites de racisme. Ensuite, il est le ciel de la République pour la fête de la musique. Une soirée absolument exceptionnelle, extraordinaire. Il y avait un fou, fou, fou. Il avait des images chaudes, magnifiques. Et dès la fin du show, il est avec les sortes de bandes d'écouteurs. On l'emmène au Trocadéro. Il va en direct pour TF1, parce que c'est la fête de la musique. Alors, à nouveau, le Trocadéro. Donc, on est présent. Il sera également l'invité de Anne Sinclair, la fameuse émission 7 sur 7. Il a chanté à Londres. Il chante dans un stade au port blanc, Ferdinand. C'est toute la mairie, c'est un conservatoire, 60 000 personnes. Il existe pour les pirates, mais celui-là, il est bon, il est trop loin. Donc je pense qu'on est gêné dans le temps, on est tout le temps, on va commencer à s'y aller dans le temps, on va commencer à faire quelque chose. Moi, je vais faire un peu au mois d'août, à Bonham. Parce que la fin de tournée, ils sont joignés et Lyon, et ça fera une magnifique tournée. Et en même temps, on a une performance de l'effet aussi, les francophonies, vous avez fait vraiment très absolument les faits francophonies, donc c'était un été absolument magnifique. Il y avait une bûche terrible, je trouve qu'il y a une formidable, et c'est pour mon défi, et pour les tournées. Voilà, et tout le monde, pourquoi dans cette fameuse tournée, à travers ce témoignage, merci à la Meuse, à tout le monde de plus, merci à tous, merci pour l'avoir retrouvé pour nous pratiquer, mais nous voyons, parce que franchement, et donc ce petit travail de l'ensemble, pratiquer ensemble, de ce concert, merci, merci, et évidemment, si c'est peut-être une petite tête plus marquée, merci, donc il faut que vous avez envie de la situation, il y a des enregistrements vidéo, en album, à partir de moment, je vous avais ça, mais pas une partie, parce que la partie vidéo, chaque année des d'affiches et chaque fois, donc Tony l'a fait deux fois, en 85 et en 91, et à chaque fois, on a des fouilles immenses. En 85, je me souviens, c'était en 4 retours après son opération d'Arms, et il était une trempille extraordinaire, un t-shirt blanc, et puis il avait parlé d'une carrière, et sans plus qu'on y s'était coupé dans le corps. Et là, il conclut finalement que cette tournée, il a commencé à enregistrer ses choses par là, et il va partir au Portugal pour les amis. Il a pris en espérant que pas très vite tout ça va s'enchaîner. On va repartir sur le Mazar, on va repartir sur le Mercier en 92. Il va prendre son profil. Les années 90 et 2010, c'est une consécration vraiment. Ces archives, on va prendre le faire pencher sur les livres. Parce que ça sera après la prochaine sortie, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais il n'est pas sur le prochain livre, c'est terminé. Pour l'instant, il n'y a pas de sortie programmée pour ce livre. Je crois que ça, en 2025, on va refaire quelques.